Chapitre deuxième. Le nid de la rue Lepelletier fut d'abord l'asile de toutes les joies. Esther aimait son mari avec toute la candeur et la franchise d'une jeune âme qui s'ouvre à la vie. Ce qui l'avait séduite dans ce mariage, c'était son étrangeté. Le hasard l'avait exemptée de toutes ces formalités déplaisantes qu'effarouchent une imagination tendre et vive. De son premier regard, la jeune fille avait subjugué un cœur hardi, un esprit impétueux qui courait droit à son but. Il ne lui avait fallu qu'un sourire pour désarmer toute cette colère et fondre ce grand ressentiment, et toutes ces bonnes fortunes étaient bien faites, il faut l'avouer, pour charmer une jeune fille dont la solitude avait quelque peu exalté les pensées. Esther avait l'imagination peut-être un peu trop romanesque pour le temps et la ville où elle était appelée à vivre, mais elle était douée du cœur le plus pur et le plus confiant qui se pût aimer. Cette nature ardente toucha d'abord M. Dallone, mais le comte Henri Dallone, s'il avait le caractère impétueux et passionné, était aussi, il faut bien l'avouer, plus mobile et plus changeant encore. Henri adora sa femme un an tout au moins, c'était beaucoup. Puis au bout de 15 mois, il la négligea pour une petite chanteuse de l'opéra médiocrement jolie et plus médiocrement encore spirituelle. À partir de ce jour-là, M. Dallone, qui avait repris ses fonctions au Conseil d'État, prétexta de vaines affaires pour avoir un motif honnête de s'absenter du toit conjugal. Esther ne vit et ne comprit rien. Elle aimait et croyait. De bonnes amies, comme il s'en trouve à tout pas dans le monde, voulurent éclairer son ignorance, mais leurs réticences et leurs allusions glissèrent sur un cœur qui avait la pureté du lys. Esther était trop fière pour s'abaisser aux soupçons. Des amis essayèrent à leur tour de mettre à profit la solitude et l'abandon où le mari tenait sa femme. Ils en furent pour leur galanterie. Esther se jetait toute joyeuse au cou de son mari quand il rentrait et pensait au parc de Noisy quand elle était seule. Il faut dire aussi que la conduite de M. Dallone était bien faite pour maintenir Esther dans son aveuglement. Henri avait des retours de passion qui éblouissaient la jeune femme. C'était tout à coup des flux de tendresse, des élans et des transports qui faisaient venir des larmes de joie aux yeux d'Esther. Des fêtes où son cœur s'enivrait duraient 1 mois ou 3 semaines, puis les jours d'abandon revenaient et c'était à recommencer. Mais elle avait alors des souvenirs pour peupler sa solitude, et seule au fond de son boudoir, belle et rêveuse comme une princesse des contes de fées, elle souriait à son bonheur. De ce que Mme Dallone la trompait pour des créatures qui n'avaient ni sa jeunesse ni sa beauté, il ne faudrait pas conclure qu'il ne l'aima plus. Ce sont de ces mystères du cœur humain que les fous comprennent à merveille, mais que les plus sages ne sauraient expliquer. Si l'on était venu dire à M. Dallone qu'Esther causait un peu bas dans un salon voisin avec un étranger qui l'avait fait danser 2 fois, on l'aurait vu changer de couleur, se lever et courir vers sa femme. Ce qui ne l'aurait pas empêché le lendemain de se cacher au fond de quelques baignoires du palais royal, en compagnie d'un chapeau rose ou bleu qu'Esther n'avait jamais porté. Dans une âme comme celle d'Esther, le réveil devait avoir quelque chose de terrible, parce qu'il devait être soudain comme un coup de tonnerre. Ce fut un hasard qui le précipita. Un jour, en passant de son boudoir dans le cabinet de son mari, Esther trouva sous son pied une lettre à l'adresse de M. Dallone. Elle était décachetée et froissée. Esther l'ouvrit, pensant que ce pouvait être quelque papier d'affaires dont la perte serait regrettable. Elle lut les premières lignes sans comprendre et courut à la signature, un peu troublée cependant d'une crainte dont le motif lui échappait. Un nom de femme frappa son regard, et tout émue, elle retourna brusquement le billet, doutant qu'il portât l'adresse de M. Dallone. La lettre commençait par ces mots « Mon cher Henri » et finissait par ceci « Ta Caroline ». Il s'agissait d'un rendez-vous pour une partie de campagne à Chantilly, le tout écrit de ce style inouï dont les coulisses de l'opéra savent seules le secret. Esther devint toute pâle. Le cœur lui sautait dans la poitrine. Elle se jeta sur un fauteuil, se sentant fléchir, et vit comme dans un éclair leur rencontre à tous deux, près de la haie, et leur premier beau jour à Noisy. La pensée qu'elle était trompée et que tout cet amour était perdu lui vint au cœur. Elle se cacha la tête entre les mains et se mit à pleurer comme un enfant. Tout à coup, elle se leva. « C'est impossible !» s'écria-t-elle. « Il est amante, chez M. de Noirmont, le conseiller. Il me l'a dit hier lui-même. Henri ne ment pas !» Et pleine de joie à ce souvenir, Esther leva les yeux au ciel, mais ses regards tombèrent sur la lettre qu'elle n'avait pas abandonnée, et ses bras s'affaissèrent tristement. En 5 minutes, Esther aurait pu courir chez M. de Noirmont et connaître la vérité, mais la pensée de l'espionnage lui répugnait. Elle attendit. À la tombée de la nuit, M. Dallon arriva. Collé aux vitres de sa chambre, Esther le vit passer dans le jardin. Quand il poussa la porte pour entrer chez sa femme, elle bondit à sa rencontre, puis s'arrêta, clouée au sol par une crainte invincible. Elle tenait la lettre entre ses doigts crispés. « Qu'avez-vous, Esther ?» s'écria son mari qu'elle avait habitué à un autre accueil. « Dites-moi que vous arrivez de Mantes, » dit-elle, suspendue à son cou par un élan soudain. « De Mantes ?» reprit Henri, déjà troublé. « Mais ne le saviez-vous pas ?»« Oui, je le savais, mais cette lettre... Tenez, lisez-la, cette lettre » s'écria-t-elle en lui tendant le papier, qu'elle savait par cœur et qu'elle ne voulait pas croire. Henri reconnut le billet de Caroline. Malgré son assurance, il rougit. Esther vit cette rougeur. Elle s'arracha toute frémissante des bras de son mari. « Ainsi c'était donc vrai ?» dit-elle. « Esther, » s'écria M. Dallon, « écoutez-moi. J'ai douté tout un jour. Comment voulez-vous que je doute à présent ? Il y a de cela de bon en vous que vous ne savez pas bien mentir. Tenez, regardez-vous. » Et poussant avec une incroyable énergie son mari vers une glace, elle lui montra du geste un visage où le trouble et la confusion se lisaient dans tous les traits. Esther s'accouda sur le marbre de la cheminée. Elle ne sentait plus rien qu'une douleur sourde au cœur. Un jeune épagneul de grande race, qu'Esther avait amené de Noisy, vint en rampant jusqu'à elle et frotta sa tête soyeuse contre les genoux de sa maîtresse. Esther souleva son front. À la vue du chien qui lui rappelait tant de beaux jours, un sanglot déchira sa poitrine et les larmes lui vinrent aux yeux. M. Dallon courut vers sa femme et se mit à ses genoux. « Esther, pardonnez-moi, » dit-il. Les yeux d'Esther, qui rayonnaient comme des étoiles, s'arrêtèrent sur son mari. « Que je vous pardonne ? Ah, vous ne savez pas tout le mal que vous m'avez fait. Tout mon amour est à vous, ce mal je l'effacerai. » Esther secoua lentement la tête. « Non, non, la blessure est au cœur, rien ne la guérira. » Henri prit sa main et la couvrit de baisers. « Vous valez mieux que moi, vous me pardonnerez, » dit-il. « Savez-vous ce que j'ai souffert ? Savez-vous ce que je souffre encore ? » s'écria-t-elle, tandis que ses larmes tombaient sur le front d'Henri. « Vous m'avez trompé, moi qui vous aimais, et pour qui ? Tenez, il me semble que je vous hais. Mais que vous avais-je donc fait pour me trahir ainsi ? Je ne sais qu'une chose, Esther, c'est que je vous aime. » dit M. Dallon, dont le cœur palpitait sous les larmes d'Esther. « Pardonnez-moi. Et si je vous avais trompé, moi, me pardonneriez-vous ? Oh ! » s'écria M. Dallon en se dressant, « je vous tuerai. » Ce cri de l'égoïsme et de la passion alla droit au cœur d'Esther. Elle tomba dans les bras de son mari, mêlant des baisers à ses pleurs, et tout fut pardonné. La lettre, Caroline et la trahison. Mais Esther, à son insu, avait un de ces caractères qui peuvent bien pardonner, mais qui n'oublient jamais. Chez elle, l'élan était toujours généreux et fier, mais chez elle aussi, la mémoire était implacable. Après que son âme s'était complue dans le sacrifice et l'abnégation, le souvenir faisait son œuvre amère et lente, comme la goutte d'eau qui use le rocher. Son amour subsistait tout entier, mais la confiance avait disparu. Ce fut un résultat dont tout d'abord elle-même n'eut pas conscience et son mari moins qu'elle-même. Entraînée par les élans de cette passion que la souffrance avait rajeunie, elle s'abandonna tout entière à son ivresse. Mais le doute était dans son cœur. Le moindre mot le faisait tressaillir. Esther avait eu jusqu'alors une existence trop paisible pour se bien connaître elle-même. Il faut au caractère des orages et des secousses pour se dévoiler. Elle ne fut pas longtemps à comprendre qu'elle était de celles en qui la confiance meurt aussitôt qu'elle est blessée, comme ces fleurs magiques dont parlent les orientaux qui se dessèchent aussitôt qu'elles sont touchées. Elle avait bien la volonté de croire, mais lorsque M. Dallon lui racontait ce qu'il avait fait dans la journée, ou ce qu'il comptait faire le lendemain, si le premier mouvement de son cœur était comme la foi du chrétien, le second était comme la réflexion du philosophe. « Va-t-il bien toujours ? Il me dit qu'il va, » pensait-elle. Et s'il tardait trop à rentrer, s'il s'absentait pour un jour, s'il écrivait à la hâte quelques lettres, s'il sortait précipitamment pour une course imprévue, c'était toujours et sans cesse une crainte, un doute, une appréhension qui la tourmentait. Les témoignages les plus vifs de la tendresse ne pouvaient rien contre cette fatale disposition. Esther aimait encore, mais ne croyait plus. En apprenant à douter, Esther avait appris à observer. Aucune allusion n'était plus perdue pour elle. Elle saisissait la réticence au vol et prêtait l'oreille aux confidences. 3 mois après la réconciliation des deux époux, Esther surprit un regard qui fit passer le frisson sur ses épaules. Ce regard allait de M. Dallone à Mme de Noirmont, la femme de ce conseiller d'État chez qui le jeune auditeur allait parfois rédiger des rapports. Un sourire lui répondit. L'expérience avait maintenant dessillé la naïve confiance d'Esther. Elle vit et devina tout. Son cœur se serra, mais ses yeux restèrent brillants. Elle n'eut pas une larme à ses cils, pas un frémissement sur ses lèvres, pas un pli à son front. Mais quand elle fut seule, elle joignit les mains et tomba sur ses genoux, priant Dieu. La veille, elle avait, confuse et rougissante, bégayé entre 2 baisers aux oreilles de son mari un de ces aveux qui font resplendir le visage des jeunes mères. À quelques jours de là, Mme Dallone, en voyant sa pâleur rosée dans une glace, pour la première fois se trouva jolie sans penser à son mari. Le même soir, au bal, elle rencontra M. de T., qui l'entourait de soins. Ses galanteries ne furent point repoussées ce jour-là avec trop de dédain. À vrai dire, Esther n'avait pas fait plus d'attention à M. de T. qu'à tout autre, mais elle l'accueillit pour rendre à son mari le mal qu'elle souffrait, et peut-être aussi pour le ramener à elle en excitant sa jalousie. Peu de temps après, M. Dallone fronça le sourcil en voyant M. de T. ramener sa femme à sa place après un quadrille. « Vous n'y prenez pas garde, ma chère amie, » dit-il en se penchant sur l'épaule d'Esther. « Mais c'est déjà la 3e fois que vous dansez avec Monsieur de T. »« Ah, vous croyez ?» répliqua Madame Dallone. « Comme vous le dites, je n'y prends pas garde. »« Mais il me semble que j'ai dansé avec lui autant de fois que vous avez causé avec Madame de Noirmont là-bas dans l'embrasure de cette fenêtre. » Monsieur Dallone se mordit les lèvres et ne répondit pas. Il découvrait avec surprise, dans ce cœur d'enfant réveillé par une secousse, une énergie qui semblait ne devoir reculer devant rien. Au bal suivant, Henri salua Madame de Noirmont sans l'approcher, et Madame Dallone ne dansa pas avec M. de T. Mais le doute avait enfoncé ses racines au cœur de M. Dallone. Les mêmes craintes qui avaient agité sa femme l'agitaient à son tour. Son humeur capricieuse s'en accrut. Il entoura sa femme d'un amour jaloux et tyrannique où la tendresse se mêlait à l'irritation. Il revenait à elle avec transport pour l'abandonner 8 jours après. L'expression de sa jalousie et de ses soupçons froissait l'orgueil d'Esther, qui se savait pure comme la neige. Elle dédaignait de répondre et sentait que la colère la gagnait. Cependant, les semaines s'écoulaient dans une douloureuse intermittence de rapprochement et de rupture. Un jour que M. Dallone était allé à la chasse, il revint à l'entrée de la nuit, au moment où personne ne l'attendait. L'orage l'avait surpris au milieu des bois. Il avait laissé là chiens, chevaux et gibier. Esther était assise dans un fauteuil au coin du feu. Sa main, qui reposait sur ses genoux, tenait une lettre ouverte, et penchée au dos du fauteuil, elle semblait suivre dans les frises du plafond les caprices d'un rêve commencé. Au bruit que fit M. Dallone en entrant, elle tressaillit et voulut cacher la lettre dans la poche de sa robe, mais Henri l'avait déjà vue. Ses yeux s'allumèrent comme 2 étoiles. « Vous lisiez une lettre quand je suis arrivé, » lui dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de rendre calme. « C'est vrai, » répondit-elle, « et vous avez cherché à me la cacher, je l'avoue. C'est donc une lettre que je ne saurais voir. Il est du moins inutile que vous la lisiez. Et cependant, si je vous priais de me la donner, je vous prierai à mon tour de me la laisser. » « C'est ce que je ne ferai pas, madame, car je la veux. »« Vous auriez pu, tout au moins, me la demander avec plus de politesse, mon ami. Mais laissons cela. Cette lettre, il me la faut !» s'écria M. Dallone à bout de modération. Esther se leva. Elle était un peu pâle, et les lignes délicates de ses sourcils se touchaient par la pointe. « Puisque c'est un ordre, monsieur, je m'y refuse. »« Esther, mon ami !» « Ne jouons pas un mélodrame à nous deux, c'est de mauvais goût. » M. Dallone fit un pas, Esther l'arrêta d'un geste. « Écoutez-moi, » dit-elle, en assurant ses paroles d'un regard fier et résolu. « J'ai, croyez-le bien, autant souci de mon honneur que vous-même. Si j'en aimais un autre, vous seriez le premier à le savoir, avant lui peut-être. Ainsi, laissons cela. Au bas de cette lettre, il y a un nom. Ne vois-je pas, votre air, que si vous le connaissiez, vous iriez ce soir chercher querelle à ce fou et vous faire tuer peut-être pour deux pages de prose amoureuse ? Une lettre d'amour ! S'écria M. Dallone. Le nom de l'insolent ! Un duel, fit Esther, un duel, et pour cela ! Reprit-elle avec dédain en froissant le papier qu'elle jeta au feu. La lettre rencontra le chenet, glissa sur le cuivre poli et tomba au bord du foyer à 3 pouces de la flamme. Henri s'élança pour la saisir. Esther était devant la cheminée, il la repoussa violemment et se baissait déjà lorsque l'épagnole, qui depuis quelques minutes rampait et grondait autour de sa maîtresse, bondit et, plus prompt que l'éclair, le mordit au bras. « Toi aussi !» s'écria M. Dallone, et saisissant un pistolet dans une boîte qu'il avait posée sur un guéridon en entrant, il tira sur l'épagnole. La balle passa sous le bras d'Esther et fit éclater le marbre d'une tête de niobé posée sur un socle. La robe d'Esther avait été déchirée près de l'épaule par la balle, 2 ou 3 gouttelettes de sang entachaient l'étoffe, et la bourre flambait à ses pieds. L'épagnole effarée rampait sur le tapis en hurlant. « Misérable bête, te tairas-tu ? » exclama M. Dallone, qui, ivre de fureur, sauta sur l'autre pistolet. Mais au bruit de cette détonation, au cri du chien, 2 ou 3 personnes de leur maison accoururent. Esther entendit leurs pas dans l'antichambre. Elle roula vivement un châle autour de ses épaules et, poussant du pied la lettre dans le foyer, se jeta devant son mari. « Attendez au moins que vos gens ne soient plus là !» dit-elle. L'arme s'échappa des mains de M. Dallone et sa femme se tourna vers ceux des domestiques qui se pressaient à la porte. « Ce n'est rien, » leur dit-elle avec un sourire. « Monsieur le comte, qui ne se doutait pas que ses pistolets fussent chargés, en a fait jouer la batterie et le coup est parti. » Quand tout le monde se fut éloigné, un long silence régna dans l'appartement. Le chien, tapi dans un coin, flairait l'odeur de la poudre sur le marbre mutilé. Monsieur Dallone était immobile et livide. Des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Esther le regarda un instant sans parler, mais tout à coup une pâleur effrayante se répandit sur son visage. Elle porta les mains à son cœur, frissonna de la tête aux pieds, voulut marcher et tomba sur le tapis. Le lendemain, Madame Dallone se réveilla avec une fièvre ardente. Elle était couchée. Un souvenir confus des événements de la veille flottait dans son imagination en proie au délire. Il lui semblait qu'une main brûlante tordait son cœur. La mère sentait la vie de ses entrailles s'échapper. Elle lutta contre la mort pendant 15 jours. M. Dallone et un médecin ne quittèrent pas son chevet. L'épagnole dressait parfois sa tête inquiète et léchait la main maigrie et blanche comme l'ivoire qui pendait hors du lit. C'était dans toute la maison un silence lugubre. Les doigts du docteur consultaient souvent le pouls de la malade. « Faut-il que je n'espère plus ?» disait alors le comte qui cherchait à lire sur le visage du docteur. « J'attends une crise, » disait l'homme de la science. « Mais là où la science ne peut rien, Dieu peut tout, espérer. » Le soir du 15e jour, une convulsion terrible fit trembler le corps d'Esther. Ses membres se couvrirent d'une sueur glacée. Elle ferma les yeux et poussa un cri déchirant. « mon Dieu, sauvez-la !» murmura le comte en tombant sur ses genoux. Le médecin quitta un instant le lit de la malade. « Monsieur le comte, » dit-il tout bas à l'oreille d'Henri, « Madame Dallone est sauvée, mais votre fils est mort. » Le comte devint blême. Il se traîna sur les genoux jusqu'au lit d'Esther et chercha ses mains raides et glacées pour les embrasser. Le lendemain, malgré les prières de son mari, Esther se fit apporter le corps de son fils. Un sanglot vint à sa bouche et la pauvre mère fondit en larmes. Elle courba son front sur ce petit être immobile et l'on n'entendit que le bruit de ses baisers et de ses sanglots. « Esther, Esther, ayez pitié de moi !» s'écria M. Dallone, que le spectacle de cette douleur rendait fou. Esther se redressa toute pâle. Repoussant ses cheveux en arrière, elle jeta sur son mari un regard tout empreint de haine et de désespoir. « Vous l'avez tué, » dit-elle. « Par le cadavre de mon enfant que j'élève vers Dieu, je ne vous pardonnerai jamais. »